ici pas de belles histoires, genre il était une fois. Pour monter, je l'ai arpenté, ce putain de bitume froid. J'ai dû faire bitume croix sur mes objectifs. Je voulais mettre ma tête dans l'objectif qu'on me dise t'as pris du poids. J'ai grandi avec des loups et je repère vite une proie. Même si t'es moche avec des sous, tu baises une fille sur trois. Je voulais parcourir le monde et être assis sur toi. On a fini par courir, les flics arrivent assis sur toi. On me dit vas-y, bouge, circule, waouh. Je repars chez moi avec mes baskets et leur virgule noire. Je traîne dehors et je montre une fille du doigt. Mais bon c'est mort vu que je traîne pas dans le carré pipe d'une boîte. Je sais pas si vous voyez ou si tu me crois. L'échec me vous voyez, maintenant c'est le succès qui me tutoie. La vie me mène, la vie dure, figure-toi. Mon père est parti, mais toi tu veux que je m'habitue de quoi? Il y a 5 ans je galérais, mon patron riait de moi. Là pour faire ce que je fais en un mois, il attend le 10e mois. Mec, avant de parler ton talent, si cette fois j'écoute ce que me dit cette voix, près de mon triceps droit, je croise la tristesse 3 fois par jour. Ils sont surpris de voir à quelle vitesse je bois. Je rappe, je m'arrête pas même si j'ai le choix. Les voisins craquent, je mets le son à fond même si c'est le soir. Je suis amoché, demain me verra-t-il au taf? Avec mon associé, on se fait des passes comme Verratti Mota. C'est fou le culotta, bitch, mets ta culotta. Terre vite, mets des bouteilles sur nos tables. Y'a de la fumée quand les joints circulent. Moi, on m'utilise pas, je suis comme un point virgule. Je fais mon chemin et je crois qu'il y a rien de pire qu'une défaite, je vois mes ennemis au loin qui reculent. Je vis à 100 à l'heure comme après 10 Red Bull. Trop de liquide à mettre à la banque, environ 10 mètres cubes. C'est de la faute à pas de chance, y'a pas pire excuse. La corde va lâcher à force de tirer dessus. Toujours pas à l'affiche, aucune visibilité. On me recale comme au pôle emploi si je m'appelais Sidi B. Je vais foutre le feu, j'ai fait des jerrycans exprès. Elle reconnaît le style de mon American Express. Tu dis que je suis fou, mais toi t'es à l'extrême. J'ai lu des extraits du dossier médical, respect. C'est délicat l'espère, je découpe l'instrumental à la Dexter, un véritable expert. Désormais je fais ma vie et je m'occupe pas des autres. Elle mouille trop, l'hôtel me facture le dégât des eaux. Ta meuf te répond pas, c'est pas qu'elle a pas de réseau. Chérie, ici y'a pas de pèse, et ben y'a pas de resto. Oui je me permets, je rate pas une occasion. Hermès, ceinture noire comme un judoka. Je veux pas que tes bras baissent, y'a de l'espoir. J'ai ni bac S ni bac L, je roule en classe S noire. T'as reconnu le style?